Un bal masqué par Alexandre Dumas. J'avais dit que je n'y étais pour personne. Un de mes amis força la consigne. Mon domestique m'annonça M. Anthony R. J'aperçus, derrière la livrée de Joseph, le coin d'une redingote noire. Il était probable que le porteur de la redingote avait, de son côté, vu un pan de ma robe de chambre. Impossible de me celer. « Très bien, qu'il entre, » dis-je tout haut. « Qu'il aille au diable, » dis-je tout bas. Lorsqu'on travaille, il n'y a que la femme qu'on aime qui puisse impunément vous déranger, car elle est toujours pour quelque chose au fond de ce que l'on fait. J'allais donc à lui avec ce visage à demi maussade d'un auteur interrompu dans un de ces moments où il craint le plus de l'être, lorsque je le vis si pâle et si défait que les premiers mots que je lui adressai furent ceux-ci. « Qu'avez-vous? Que vous est-il arrivé ?»« Oh, laissez-moi respirer, » dit-il. « Je vais vous conter cela. D'ailleurs, c'est peut-être un rêve ou peut-être suis-je fou ?» Il se jeta sur un fauteuil et laissa tomber sa tête entre ses deux mains. Je le regardai avec étonnement. Ses cheveux étaient mouillés par la pluie. Ses bottes, ses genoux et le bas de son pantalon étaient couverts de boue. J'allai à la fenêtre. Je vis à la porte son domestique et son cabriolet. Je n'y comprenais rien. Il vit ma surprise. « J'étais au cimetière du Père Lachaise, » dit-il. « À 10 heures du matin ?»« J'y étais à 7, maudit bal masqué. » Je ne devinais pas ce qu'un bal masqué et le Père Lachaise avaient à faire ensemble. Je pris mon parti, et tournant le dos à la cheminée, je me mis à rouler un cigaretto entre mes doigts avec le flegme et la patience d'un Espagnol. Lorsqu'il fut arrivé à son point de perfection, je le tendis à Anthony, que je savais très sensible ordinairement à ce genre d'attention. Il me fit un signe de remerciement, mais il repoussa ma main. Je m'abaissai afin d'allumer le cigarito pour mon propre compte. Anthony m'arrêta. « Alexandre, me dit-il, écoutez-moi, je vous en prie. Mais il y a un quart d'heure que vous êtes là, et que vous ne dites rien. Oh, c'est une aventure bien étrange. » Je me relevai, posai mon cigare sur la cheminée et me croisai les bras comme un homme résigné. Seulement, je commençais à croire comme lui, s'il pouvait bien être devenu fou. « Vous vous rappelez le bal de l'opéra, où je vous rencontrais ?» me dit-il après un instant de silence. « Le dernier, où il y avait 200 personnes au plus, celui-là même. » Je vous quittais dans l'intention de me rendre à celui des variétés, dont on m'avait parlé comme d'une curiosité au milieu de notre époque si curieuse. Vos volutes me dissuadaient d'y aller, une fatalité m'y poussait. Oh, pourquoi n'avez-vous pas vu cela, vous qui avez des mœurs à retracer? Pourquoi Hoffmann ou Callot n'étaient-ils pas là pour peindre le tableau à la fois fantastique et burlesque qui se déroula sous mes yeux? Je venais de quitter l'opéra vide et triste. Je trouvai une salle pleine et joyeuse. Corridor, loge, parterre, tout était encombré. Je fis le tour de la salle. 20 masques m'appelèrent par mon nom et me dirent le leur. C'étaient des sommités aristocratiques ou financières, sous d'ignobles déguisements de pierrots, de postillons, de paillasses ou de poissardes. C'étaient tous jeunes gens de nom, de cœur, de mérite, et là, oubliant famille, art, politique, rebâtissant une soirée de la Régence au milieu de notre époque grave et sévère. On me l'avait dit, et cependant je ne l'avais pas cru. Je remontai quelques marches, et m'appuyant sur une colonne, à demi cachée par elle, je fixai les yeux sur ce flot de créatures humaines qui se mouvaient au-dessous de moi. Ces dominos de toutes les couleurs, ces costumes bigarrés, ces grotesques déguisements formaient un spectacle qui ne ressemblait à rien d'humain. La musique se mit à jouer. Oh, ce fut alors. Ces étranges créatures s'agitèrent au son de cet orchestre dont l'harmonie n'arrivait à moi qu'au milieu des cris, des rires, des huées. Elles s'accrochèrent les unes aux autres par les mains, par les bras, par le cou. Un long cercle se forma, commençant par un mouvement circulaire. Danseurs et danseuses frappant du pied, faisant jaillir avec bruit une poussière dont la lumière blafarde des lustres rendait les atomes visibles. Tournant dans leur vitesse croissante avec des postures bizarres, des gestes obscènes, des cris pleins de débauche, tournant toujours plus vite, renversés comme des hommes ivres, hurlant comme des femmes perdues, avec plus de délire que de joie, avec plus de rage que de plaisir. Semblable à une chaîne de damnés qui accomplit, sous la verge des démons, une pénitence infernale. Cela se passait sous mes yeux, à mes pieds. Je sentais le vent de leur course. Chacun de ceux que je connaissais me jetait en passant un mot à me faire rougir. Tout ce bruit, tout ce bourdonnement, toute cette confusion, toute cette musique, était dans ma tête comme dans la salle. J'arrivai promptement à ne plus savoir si ce que j'avais devant les yeux était songe ou réalité. j'arrivai à me demander si ce n'était pas moi qui étais insensé et eux qui étaient raisonnables. Il me prenait d'étranges tentations de me jeter au milieu de ce pandémonium, comme Faust à travers le sabbat, et je sentais qu'alors j'aurais des cris, des gestes, des postures, des rires comme les leurs. Au-delà, la folie, il n'y a qu'un pas. Je fus épouvanté, je me jetai hors de la salle, poursuivi jusqu'à la porte de la rue par des hurlements qui ressemblaient à ces rugissements d'amour qui sortent de la caverne des bêtes fauves. Je m'étais arrêté un instant sous le portique pour me remettre. Je ne voulais pas me hasarder dans la rue avec tant de confusion encore dans l'esprit. Peut-être n'aurais-je pas retrouvé mon chemin. Peut-être me serais-je jeté sous les roues d'une voiture que je n'aurais pas vu venir. J'étais comme doit être un homme ivre qui commence à retrouver assez de raison dans son cerveau obscurci pour s'apercevoir de son état et qui, sentant revenir la volonté, mais non pas encore le pouvoir, s'appuie, immobile, les yeux fixés à tonne, contre une borne de la rue ou contre un arbre d'une promenade publique. En ce moment, une voiture s'arrêta devant la porte, une femme descendit de la portière ou plutôt s'en précipita. Elle entra sous le péristyle, tourna la tête à droite et à gauche comme une personne égarée. Elle était vêtue d'un domino noir, avait la figure couverte d'un masque de velours. Elle se présenta à la porte. « Votre billet ?» lui dit le contrôleur. « Mon billet ?» répondit-elle. « Je n'en ai pas. »« Alors prenez-en au bureau. » Le domino revint sous le péristyle, fouillant vivement dans toutes ses poches. « Pas d'argent ? » s'écria-t-elle. « Ah, cette bague !»« Un billet d'entrée pour cette bague, » dit-elle. « Impossible !» répondit la femme qui distribuait les cartes. « Nous ne faisons pas de ces marchés-là. » Et elle repoussa le brillant, qui tomba à terre et roula de mon côté. Le domino était resté sans mouvement, oubliant l'anneau, abîmé dans une pensée. Je ramassai la bague et la lui présentai. Je vis, à travers son masque, ses yeux se fixer sur les miens. Elle me regarda un instant avec hésitation, puis, tout à coup, passant son bras sous le mien. « Il faut que vous me fassiez entrer, » me dit-elle. « Par pitié, il le faut. »« Je sortais, madame, » lui dis-je. « Alors donnez-moi 6 francs de cette bague, et vous m'aurez rendu un service pour lequel je vous bénirai toute ma vie. » Je lui remis l'anneau au doigt, j'allai au bureau, je pris 2 billets, nous rentrâmes ensemble. Arrivé dans le corridor, je sentis qu'elle chancelait. Elle forma alors, avec sa seconde main, une espèce d'anneau autour de mon bras. « Souffrez-vous ? » lui dis-je. « Non, non, ce n'est rien, » reprit-elle. « Un éblouissement, voilà tout. » Elle m'entraîna dans la salle. Nous rentrâmes dans ce joyeux charenton. 3 fois nous en fîmes le tour, fendant à grand-peine ces flots de masques qui se ruaient les uns sur les autres. Elle, tressaillant à chaque parole obscène qu'elle entendait, moi, rougissant d'être vue, donnant le bras à une femme qui osait entendre de telles paroles. Puis nous revînmes à l'extrémité de la salle. Elle tomba sur un banc. Je restai debout devant elle, la main appuyée sur le dossier de son siège. « Oh ! Cela doit vous paraître bien bizarre, » dit-elle. « Mais pas plus qu'à moi, je vous le jure. » Je n'avais aucune idée de cela. Elle regardait le bal. « Car je n'avais pas même pu voir de telles choses dans mes rêves. Mais on m'a écrit, voyez-vous, qu'il serait ici avec une femme. Et quelle femme doit-ce être que celle qui peut venir dans un pareil lieu ?» Je fis un geste d'étonnement. Elle le comprit. « J'y suis bien, n'est-ce pas, voulez-vous dire ? Oh, mais moi, c'est autre chose. Moi, je le cherche. Moi, je suis sa femme. » Ces gens, c'est la folie, la débauche qui les pousse ici. Oh, moi, moi, c'est la jalousie infernale. J'aurais été partout le chercher. J'aurais été la nuit dans un cimetière. J'aurais été en grève le jour d'une exécution. Et cependant, je vous le jure, jeune fille, je ne suis jamais sortie une fois dans la rue sans ma mère. Femme, je n'ai pas fait un pas dehors sans être suivie d'un laquais. Et cependant, me voilà ici, comme toutes ces femmes qui ensablent le chemin. Me voilà, donnant le bras à un homme que je ne connais pas. Rougissant, sous mon masque, de l'opinion que je dois lui inspirer, je sais tout cela. Avez-vous été jaloux, monsieur ? Affreusement, lui répondis-je. Alors vous me pardonnez, vous savez tout. Vous connaissez cette voix qui vous crie, bah, comme à l'oreille d'un insensé. Vous avez senti ce bras qui vous pousse à la honte et au crime, comme celui de la fatalité. Vous savez qu'en un pareil moment, on est capable de tout, pourvu que l'on se venge. J'allais lui répondre. Elle se leva tout à coup, les yeux fixés sur 2 dominos qui passaient en ce moment devant nous. « Taisez-vous » dit-elle, et elle m'entraîna sur leurs traces. J'étais jeté au milieu d'une intrigue à laquelle je ne comprenais rien. J'en sentais vibrer tous les fils, et aucun ne pouvait me mener au but. Mais cette pauvre femme paraissait si agitée qu'elle était intéressante. J'obéis comme un enfant, tant une passion vraie est impérieuse, et nous nous mîmes à la suite des deux masques, dont l'un était évidemment un homme et l'autre une femme. Ils parlaient à demi-voix, les sons parvenaient à peine à nos oreilles. « C'est lui, » murmura-t-elle, « c'est sa voix, oui, oui, c'est sa taille. » Le plus grand des deux dominos se mit à rire. « C'est son rire, » dit-elle, « c'est lui, monsieur, c'est lui. » La lettre disait vrai, « Oh mon Dieu, mon Dieu !» Cependant, les masques avançaient, et nous les suivions toujours. Ils sortirent de la salle, et nous en sortîmes après eux. Ils prirent l'escalier des loges, et nous le montâmes à leur suite. Ils ne s'arrêtèrent qu'à celle du cintre. Nous semblions leurs deux ombres. Une petite loge grillée s'ouvrit. Ils y entrèrent, la porte se referma sur eux. La pauvre créature que je tenais sous le bras m'effrayait par son agitation. Je ne pouvais voir sa figure. Mais pressée contre moi comme elle l'était, je sentais battre son cœur, frissonner son corps, tressaillir ses membres. Il y avait quelque chose d'étrange dans la manière dont arrivaient à moi les souffrances inouïes dont j'avais le spectacle sous les yeux, dont je ne connaissais nullement la victime et dont j'ignorais complètement la cause. Cependant, pour rien au monde, je n'aurais abandonné cette femme dans un pareil moment. Lorsqu'elle avait vu les deux masques entrer dans la loge et la loge se refermer sur eux, elle était restée un moment immobile et comme foudroyée. Puis elle s'était élancée contre la porte pour écouter. Placée comme elle l'était, le moindre mouvement dénonçait sa présence et la perdait. Je l'attirai violemment par le bras. J'ouvris le ressort de la loge contiguë. Je l'y entraînai avec moi. J'abaissai la grille et je tirai la porte. « Si vous voulez écouter, me dis-je, du moins écoutez d'ici. » Elle tomba sur un genou et colla son oreille contre la cloison, et moi je me tins debout de l'autre côté, les bras croisés, la tête inclinée et pensive. Tout ce que j'avais pu voir de cette femme m'avait paru un type de beauté. Le bas de son visage, que ne cachait pas son masque, était jeune, velouté, arrondi. Ses lèvres étaient vermeilles et fines. Ses dents, que faisait paraître plus blanche encore le velours qui descendait jusqu'à elle, étaient petites, séparées et brillantes. Sa main était à mouler, sa taille à prendre entre les doigts. Ses cheveux noirs, soyeux, s'échappaient en profusion de la coiffe de son domino, et le pied d'enfant qui dépassait sa robe semblait avoir peine à soutenir ce corps tout léger, tout gracieux, tout aérien qu'il était. Oh, ce devait être une merveilleuse créature. Oh, celui qui l'aurait tenue dans ses bras, qui aurait vu toutes les facultés de cette âme employée à l'aimer, qui aurait senti sur son cœur ses palpitations, ses tressaillements, ses spasmes névralgiques, et qui aurait pu dire « tout cela, c'est de l'amour pour moi seul, au milieu des hommes, pour moi, ange prédestiné. Oh, cet homme !» Voilà quelles étaient mes pensées, quand tout à coup je vis cette femme se relever, se tourner vers moi et me dire d'une voix entrecoupée et furieuse « Monsieur, je suis belle, je vous le jure, je suis jeune, j'ai 19 ans. Jusqu'à présent, j'étais pure comme l'ange de la création, eh bien ?» Elle jeta ses deux bras à mon cou. « Eh bien, je suis à vous, prenez-moi. » Au même instant, je sentis ses lèvres se coller aux miennes, et l'impression d'une morsure, plutôt que celle d'un baiser, courut par tout son corps frissonnant et éperdu. Un nuage de flammes passa sur mes yeux. 10 minutes après, je la tenais entre mes bras, renversée, demi-morte et sanglotante. Elle revint lentement à elle. Je distinguai à travers son masque ses yeux hagards. Je vis le bas de sa figure pâle, j'entendis ses dents se heurter les unes contre les autres, comme dans le frisson de la fièvre, je vois encore tout cela. Elle se rappela ce qui venait de se passer, tomba à mes pieds. « Si vous avez quelque compassion, me dit-elle en sanglotant, quelque pitié, détournez la vue de moi, ne cherchez jamais à me connaître, laissez-moi partir et oubliez tout. Je m'en souviendrai pour deux. » À ces mots, elle se releva, rapide comme une pensée qui nous fuit, s'élança contre la porte, l'ouvrit et se retourna encore une fois. « Ne me suivez pas, au nom du ciel, monsieur, ne me suivez pas, » dit-elle. La porte, repoussée violemment, se referma entre elle et moi, me la dérobant comme une apparition. « Je ne l'ai pas revue. Je ne l'ai pas revue, et depuis les 10 mois qui se sont écoulés, je l'ai cherchée partout, au bal, au spectacle, aux promenades. Toutes les fois que je voyais de loin une femme à la taille fine, aux pieds d'enfant, aux cheveux noirs, je la suivais, Je m'approchai d'elle, je la regardai en face, espérant que sa rougeur allait la trahir. En aucun lieu je ne la retrouvai, nulle part je ne la revis, que dans mes nuits, que dans mes rêves. Oh, là, là elle revenait, là je la sentais, je sentais ses étreintes, ses morsures, ses caresses si ardentes, qu'elles avaient quelque chose d'infernal. Puis le masque tombait, et le visage le plus étrange m'apparaissait, tantôt confus comme couvert d'un nuage, tantôt brillant comme entouré d'une auréole, tantôt pâle avec un crâne blanc et nu, avec des yeux aux orbites vides, avec des dents vacillantes et rares. Enfin, depuis cette nuit, je n'ai pas vécu. Brûlé d'un amour insensé pour une femme que je ne connais pas, espérant toujours et toujours déçu dans mes espérances, jaloux, sans avoir le droit de l'être, sans savoir de qui je devais l'être, n'osant avouer pareille folie et cependant poursuivi, miné, consumé, dévoré par elle. En achevant ces mots, il tira une lettre de sa poitrine. « Maintenant que je t'ai tout raconté, me dit-il, prends cette lettre et lis-la. » Je la pris et je lus. « Peut-être avez-vous oublié une pauvre femme qui n'a rien oublié et qui meurt de ne pouvoir oublier. Quand vous recevrez cette lettre, je ne serai plus. Alors, allez au cimetière du Père-Lachaise. Dites au concierge de vous faire voir, parmi les dernières tombes, celle qui portera sur sa pierre funéraire le simple nom de Marie. Et quand vous serez en face de cette tombe, agenouillez-vous et priez. » « Eh bien, continua Anthony, j'ai reçu cette lettre hier, et j'y étais ce matin. Le concierge m'a conduit à la tombe, et je suis resté 2 heures à genoux, priant et pleurant. Comprends-tu? Elle était là, cette femme. L'âme brûlante s'était envolée. Le corps, rongé par elle, avait ployé jusqu'à rompre sous le poids de la jalousie et du remords. Elle était là, sous mes pieds, et elle avait vécu. Elle était morte, inconnue pour moi, inconnue. Et prenant de ma vie une place comme elle en prend une dans la tombe. Inconnue, et m'enfermant dans le cœur un cadavre froid et inanimé, comme elle en avait déposé un dans le sépulcre. Oh, connais-tu quelque chose de pareil? Sais-tu quelque événement aussi étrange? Aussi, maintenant, plus d'espoir. Je ne la reverrai jamais. Je creuserai sa fosse, que je ne retrouverai pas les traits avec lesquels je puisse recomposer son visage. Et je l'aime toujours. Comprends-tu, Alexandre? Je l'aime comme un insensé, et je me tuerai à l'instant pour la rejoindre, si elle ne devait pas me rester inconnue dans l'éternité comme elle me l'a été dans ce monde. » À ces mots, il m'arracha la lettre des mains, la baisa à plusieurs reprises, et se mit à pleurer comme un enfant. Je le pris dans mes bras, et ne sachant que lui répondre, je pleurai avec lui. Ainsi s'achève Un bal masqué par Alexandre Dumas.